Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 20. De la magnifique vision qu'eut un jeune frère qui avait tant d'horreur pour l'habit religieux qu'il était résolu de le quitter et de sortir de l'ordre. Un jeune homme de grande famille, et nourri dans la délicatesse, étant entré dans l'ordre de saint François, éprouva, au bout de quelques jours, et à l'instigation du démon, une si forte aversion pour l'habit qu'il portait, qu'il lui semblait être revêtu du sac le plus vil. Il avait horreur des manches, il détestait le capuchon, et puis, la longueur et la grossièreté de l'étoffe n'en faisaient pour lui qu'un accablant fardeau. Enfin, ce dégoût de l'habit religieux s'accrut tellement en lui, qu'il finit par se déterminer à le quitter et à rentrer dans le monde. Ce jeune frère, suivant l'avis qu'il en avait reçu du maître des novices, avait déjà pris l'habitude, toutes les fois qu'il passait devant l'autel du couvent sur lequel reposait le corps de Jésus-Christ, de s'agenouiller avec un profond respect, de baisser son capuchon, et de se prosterner les bras en croix. La nuit même du jour où il devait partir du couvent et sortir de l'ordre, il arriva qu'il eut occasion de passer devant cet autel. Pour la dernière fois, il voulut encore faire alors la prostration d'usage, mais voilà qu'en ce moment il se sent ravi en extase, et Dieu lui fait apparaître une vision merveilleuse. Il aperçoit devant lui comme une multitude infinie de saints qui s'avançaient en procession, deux à deux, et couverts de vêtements de l'étoffe la plus magnifique et la plus précieuse, leurs figures et leurs mains étaient brillantes comme le soleil, et ils marchaient en répétant des chants angéliques. Parmi eux, il en remarquait deux surtout plus majestueusement vêtus. La clarté qui les environnait était si éblouissante, qu'il demeurait tout frappé de stupeur en les considérant. Enfin, la marche était fermée par un saint qui paraissait encore nouveau chevalier dans la milice céleste, et qui cependant resplendissait d'une gloire qui semblait effacer celle des autres. Saisi d'étonnement et tout émerveillé en présence d'une vision si extraordinaire, le jeune frère cherchait vainement à s'expliquer ce que pouvait signifier cette mystérieuse procession. Il n'osait interroger aucun de ceux qu'il voyait, et il demeurait dans une admiration pleine de douceur. Cependant, voyant que tous les saints avaient déjà passé devant lui, il s'enhardit un peu, court vers les derniers, et tout tremblant encore, « Oh chers amis, s'écrie-t-il, je vous en prie, daignez me faire connaître quels sont les hommes merveilleux qui composent cette glorieuse cohorte. Sache, mon fils, lui répondirent les saints, sache que nous sommes tous des frères mineurs sortis de la gloire du paradis. Mais quels sont ces deux frères qui resplendissent d'une clarté plus brillante que les autres ? Demanda encore le jeune religieux. Ce sont, lui fut-il répondu, saint François et saint Antoine, et ce dernier que tu vois environné de tant d'honneur, c'est un saint frère, mort tout récemment. Il a résisté vaillamment aux tentations, il a généreusement persévéré jusqu'à la fin, et voici que nous le conduisons triomphant à la gloire des cieux. Ces magnifiques vêtements dont nous sommes couverts, c'est Dieu qui nous les a donnés en échange des grossières tuniques que nous avons portées patiemment lorsque nous étions en religion, et la glorieuse clarté dont tu nous vois resplendissant, c'est encore Dieu qui nous l'accorde pour prix de l'humilité, de la patience, de la sainte pauvreté, de l'obéissance et de la chasteté que nous avons constamment observées. Ô mon fils, qu'il ne te soit donc pas pénible de revêtir le sac de religion, puisqu'il procure des avantages si précieux. Conserve, Pour l'amour de Dieu, cet habit incommode de Saint François, méprise le monde, mortifie ta chair, combat avec courage contre le démon, tu mériteras, comme nous, de porter un magnifique vêtement, et, comme nous aussi, tu seras environné de splendeur et de gloire. À ces paroles, le jeune frère revint à lui, et ranimé, par cette mystérieuse vision, il bannit aussitôt les tentations qui l'assaillaient, fit l'aveu de sa faute en présence du gardien et de ses frères, et supporta désormais avec joie les rigueurs de la pénitence et l'incommodité des vêtements. Enfin, il mourut dans l'ordre en grande odeur de sainteté. Note. Les supérieurs des couvents, dans l'ordre de Saint François, sont nommés gardiens, parce que l'humilité du saint instituteur n'a pas voulu permettre qu'on leur donnât le nom de prieurs. Chapitre 21. Du très saint miracle qu'opéra Saint François, en convertissant un loup féroce qui ravageait les environs de Gubbio. Dans le temps où Saint François restait à Gubbio, apparut, aux environs de cette ville, un loup d'une grosseur prodigieuse et d'une extrême férocité. Il ne poursuivait pas seulement les animaux, mais plusieurs fois aussi des hommes avaient été victimes de sa rage. On l'avait vu souvent s'approcher de la ville, et les habitants effrayés ne sortaient plus que tout armés, comme s'ils étaient partis pour un combat, et même, en cet état, malheur à ceux qui avaient à lutter seuls contre le terrible animal, leurs armes étaient impuissantes contre sa férocité. Enfin, l'effroi devint tel que personne n'osait plus sortir de Gubbio. La consternation qu'il voyait répandue autour de lui excita vivement la compassion de Saint François, il résolut d'aller trouver le loup, et, malgré les instances que l'on fit pour l'en détourner, il fit le signe de la croix, et mettant en Dieu toute sa confiance, il sortit un jour de la ville avec quelques-uns de ses frères. S'apercevant que ceux-ci tremblaient de s'avancer, il les laissa et prit seul le chemin qui conduisait au furieux animal. À la vue de la multitude qui se pressait pour être témoin de ce qui allait se passer, le loup s'élance d'abord vers Saint François, la gueule béante. Le saint avance à sa rencontre, fait sur lui le signe de la croix, l'appelle et lui dit « Viens ici, frère loup, viens, et, de la part du Christ, je te l'ordonne, ne me fais aucun mal, ni à moi, ni à d'autres. » Aux merveilles. À peine le signe de la croix a-t-il été fait, qu'aussitôt ce loup, tout à l'heure si terrible, ferme la gueule, s'arrête, et, sur l'ordre de Saint François, vient, doux comme un agneau, se coucher à ses pieds. Alors le saint lui dit, « Frère loup, tu causes d'immenses ravages dans cette contrée, tu t'es rendu coupable de grands crimes, en blessant et en faisant mourir les créatures de Dieu sans sa permission. Tu ne t'es pas contenté de déchirer et de dévorer les animaux, tu as poussé l'audace jusqu'à donner la mort à des hommes créés à l'image de Dieu, tu mérites, après tant de forfaits, d'être traîné aux fourches comme un brigand et un infâme homicide. Tout le monde crie et murmure contre toi, et tu es un objet d'horreur pour tous les habitants de la ville. Mais je le veux, frère loup, tu vas te réconcilier avec eux, tu leur promettras de ne plus leur causer aucun tort, et ils te pardonneront tous tes ravages, et, ni eux, ni leurs chiens, ne te poursuivront plus désormais. » À ces paroles, le loup incline la tête, et témoigne, par toute son attitude, par les mouvements de sa queue et de ses yeux, qu'il accepte les conditions et qu'il est disposé à les remplir. Le saint ajouta, « Frère loup, puisque tu consens à faire la paix que je te propose, et à y demeurer fidèle, je te promets d'obtenir des habitants de Gubbio que jamais ils ne manqueront de fournir ce qui est nécessaire à ta subsistance, et ainsi tu ne souffriras plus de cette faim qui, je le sais bien, est la cause de tout le mal qu'on te reproche. Mais, en reconnaissance de cette faveur que je vais te procurer, je veux, frère loup, que tu me promettes de ne plus nuire désormais à personne, ni aux hommes, ni même aux animaux, me le promets-tu ? Le loup, baissant la tête, donna à entendre qu'il le promettait. Saint François reprit, frère loup, je veux pouvoir compter sur ta promesse, j'exige donc que tu m'en donnes un garant. Et le saint présentant la main, le loup lève une de ses pattes de devant et l'y pose familièrement, donnant ainsi, autant qu'il le pouvait, un gage de sa fidélité. Le saint ne s'en tint pas encore là, frère loup, dit-il, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de me suivre sur le champ, viens, nous allons ratifier cette paix au nom de Dieu. Et le loup obéissant suivit, doux comme un agneau. Les habitants de Gubbio étaient frappés d'admiration à la vue d'un si étonnant prodige, la nouvelle s'en répandit promptement dans toute la ville, et l'on vit bientôt une foule de personnes de tout âge et de tout sexe se presser sur la place pour voir le loup qui suivait Saint François. Lorsque tous les habitants furent rassemblés, le saint monta sur un lieu élevé et se mit à les prêcher. Il leur fit entendre que c'était en punition de leurs péchés que Dieu leur avait envoyé les fléaux qui les consternaient, que, du reste, la flamme de l'enfer, qui doit éternellement tourmenter les damnés, était bien plus à craindre que la fureur d'un loup, qui, après tout, ne pouvait tuer que le corps. Combien donc l'enfer devait-il être terrible, puisque la gueule d'un petit animal pouvait se le faire trembler toute une multitude. Ô mes chers amis, ajouta-t-il, convertissez-vous donc, faites pénitence de vos péchés, et Dieu vous délivrera, non seulement de la rage du loup dans cette vie, mais encore des flammes de l'enfer après votre mort. La prédication terminée, mes frères, dit saint François, écoutez, frère loup, que vous voyez ici, m'a promis de se réconcilier avec vous, et de ne plus vous nuire désormais en aucune manière, il m'a donné un gage de sa fidélité. Promettez-lui donc aussi, de votre côté, de lui fournir tout ce qui sera nécessaire à sa subsistance, je me rends caution pour lui, et, je vous le garantis, sa fidélité, dans la paix qu'il va vous assurer, sera inviolable. Aussitôt, tout le peuple s'étant écrié d'une voix unanime qu'il consentait à nourrir toujours le loup, le saint se tourna vers l'animal et lui dit, « Frère loup, c'est maintenant à toi de promettre l'observation fidèle des conditions de la paix, promets-tu désormais de ne plus nuire à personne, ni aux hommes, ni même aux animaux ?» Le loup s'agenouilla, inclina la tête et fit entendre au peuple, comme il le pouvait, et par son humble attitude et par les mouvements de sa queue et de ses yeux, qu'il promettait d'être fidèle au pacte. « Frère loup, lui dit alors saint François, tu m'as donné, hors de la ville, un gage de ta fidélité, je demande que tu le renouvelles maintenant en présence de cette multitude, et que tu attestes, par là, que tu n'abuseras jamais de la promesse que j'ai faite en ton nom ni de la caution que j'ai donnée pour toi. » Le loup leva de nouveau la patte droite de devant et la posa sur la main du saint. À cette vue, la joie et l'admiration du peuple furent à leur comble, la vénération des habitants de Gubbio pour saint François, la singularité du miracle dont ils venaient d'être témoins, et le plaisir que leur procurait la paix promise par le loup. excitèrent parmi eux un si vif enthousiasme qu'ils se mirent à pousser vers le ciel des cris d'allégresse, louant et bénissant Dieu de leur avoir envoyé un saint qui, par ses mérites, les avait délivrés de la fureur d'une bête cruelle. Le loup vécut encore 2 ans dans Gulbio, il allait familièrement de porte en porte, entrait dans les maisons, sans faire aucun mal à personne et sans recevoir lui-même aucun mauvais traitement. Chacun se faisait un plaisir de lui fournir ce qui était nécessaire pour sa nourriture, et, quand il traversait la ville, jamais les chiens n'aboyaient après lui. Enfin, 2 ans après sa conversion, Frère Loup mourut, et les habitants de Gudio le regrettèrent vivement, car la vue de cet animal, parcourant la ville avec la douceur d'un agneau, était pour eux un souvenir qui leur rappelait la sainteté et les vertus de Saint François. Note. Vous souriez au récit de la paix que fit Saint François entre la ville de Gubbio et le loup de la montagne voisine, Diozenam, et vous n'apercevez pas une admirable leçon de charité donnée aux justes en faveur des pauvres pécheurs. Vous ne voyez pas que le loup voleur est homicide, mais docile après tout, qui pose sa paix dans la main de Saint François, et qui tient sa promesse de ne faire mal à personne, représente bien le peuple du Moyen-Âge terrible dans ses emportements, mais de qui l'Église ne désespère pas, dont elle prit la main meurtrière dans ses mains divines, jusqu'à ce qu'elle lui eût inspiré cette horreur du sang. Le plus beau et le plus incontestable caractère des mœurs modernes. Confère poète franciscain page 265 Frédéric Ozanam Le Coffre, 1872. Chapitre 22. Comment Saint François apprivoisa des tourterelles. Un jeune homme avait pris, un jour, un grand nombre de tourterelles, et il s'en allait les vendre. Saint François, qui avait pour les animaux d'un naturel doux une affection toute particulière, vint à le rencontrer, il considère ces oiseaux d'un regard plein d'une tendre compassion, puis, s'adressant à celui qui les portait, au bon jeune homme, lui dit-il, « Donne-moi ces tourterelles, que des oiseaux si doux, que l'Écriture représente comme les emblèmes des âmes chastes humbles et fidèles, ne viennent pas à tomber entre les mains d'hommes cruels qui les feraient mourir. » À ces mots, le jeune homme, soudainement inspiré de Dieu, présenta ses oiseaux, et Saint François, en les recevant dans son sein, leur adressa ces douces paroles. « Tourterelles, mes chères petites sœurs, simples, innocentes et chastes, pourquoi donc vous êtes-vous laissées prendre ainsi? Mais je veux vous arracher à la mort, et vous faire des nids où vous puissiez vous multiplier, selon l'ordre qui vous en est donné par votre Créateur. » Et aussitôt, il se mit en devoir de leur disposer sa nid. Les tourterelles s'y fixèrent, y firent leurs œufs, élevèrent leurs petits, et tout cela en présence des religieux qui les entouraient, car dès lors, elles étaient, avec le saint et les autres frères, aussi bien apprivoisées que des poules qu'ils auraient eux-mêmes nourries. Aucune d'elles ne partit jusqu'à ce que Saint François, leur donnant sa bénédiction, leur permit de s'envoler. Pour le jeune homme qui les avait cédées, le saint lui dit, « Mon fils, vous serez un des frères de notre ordre, et vous vous y dévouerez généreusement au service de Jésus-Christ. » La prédiction se réalisa, le jeune homme prit l'habit des mineurs et fut admis dans l'ordre, qu'il édifia par sa haute sainteté. Chapitre 23. Comment Saint François délivra un jeune frère que le démon entraînait au péché. Un jour que Saint François était en prière à la Portioncule, une révélation divine lui fit voir le couvent tout entouré et comme assiégé d'une grande légion d'esprits mauvais. Mais aucun d'eux n'y pouvait entrer, car les frères qui l'habitaient vivaient dans une si haute sainteté qu'il ne leur laissait aucun accès libre. Cependant, à force de tentatives et de persévérance de la part des démons, un religieux vint à succomber à leurs attaques, il conçut une inimitié contre un de ses frères, et chercha le moyen de l'accuser et de se venger de lui. À peine eut-il cédé à cette mauvaise pensée, que le démon, entrant aussitôt dans le couvent, se précipita sur lui. À la vue de ce loup qui allait dévorer sa chère brebis, le pasteur, plein de compassion et de sollicitude, qui veillait toujours sur son troupeau, fait aussitôt appeler le frère et lui ordonne de découvrir sur le champ le venin de la haine qu'il avait conçu contre son prochain, et qui le livrait lui-même à la merci de l'ennemi. Le frère, tout tremblant de voir ses dispositions ainsi manifestées à son Saint-Père, avoua sans hésiter la rancune qu'il avait nourrie, et demanda humblement pénitence et miséricorde. Saint François lui donna l'une et l'autre, et aussitôt, en sa présence même, le démon prit la fuite. Le frère, ainsi délivré, par la bonté du tendre pasteur, de la rage de cette bête cruelle, rendit grâce à Dieu, et retourna, instruit et corrigé, au bercail du saint pasteur, où il vécut, désormais, dans une éminente sainteté. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.